Là, devant cette morue, là. Elle porte même pas de culotte. Elle passe en un instant comme Fano et Rose. On me dit que le temps qui vit c'est un salaud, et que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant j'ai jamais dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible là? Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour tout renverser. 2 mois. Je veux être président.